aussi chaud du jour. Pis qui l'eût cru, il pense pas la même affaire. Keep on rolling, baby. Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables. Keep on rolling, baby! Le pit stop avec Denis Gravel, 7h45. L'open mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonin Iaccarini à midi. Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. I keep on lying to bread and bone in the state of Mississippi. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was wearing a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45. Just another way to survive. Should have seen the coma when it got a little brighter. With a name like Day in California, day was gonna come when I was gonna moan ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to death. Animator, one for the now and 11 for the later. Never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Wildfires burning you down to stone. blind eyes turning from a world so cold. A million miles apart within my reach. It's not like me to worry, but when I see you fading in the dark, I'll be right there for you if you drift make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll, in case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the key. Encore trop mangé cette année. Je vais être pogné pour faire du tapis tout le mois de janvier. Joyeuse fête à Boulevard 102.1. 1995. Le 2 octobre 1995, les frères Gallagher font exploser les frontières de la musique britannique avec la sortie de What's the Story Morning Glory. Their brand new CD, I have a copy of it right here, is entitled What's the Story Morning Glory. Here they are, kids. They're great. Please welcome Oasis. Au sommet des charts et remporte la couronne des rois de la Britpop devant Pulp et Blur. He is simply the boss of the biggest band on the planet at the moment, on the planet. What's the Story Morning Glory? C'est pas seulement un album, c'est un monument culturel, un symbole du rock britannique, un cri de ralliement pour des millions de fans et un témoignage de la puissance intemporelle de la musique. 30 ans après sa sortie, que ce soit avec Champagne Supernova, Don't Look Back in Anger ou Wonderwall, il n'a rien perdu de sa force et son impact demeure intact. Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat,

Parce que Mike Flynn, c'est trop cool. Ah, J. Scott, 89. Je suis présentement au Québec. Puis j'ai l'intention. Pacifique, je me fais mal ou et j'encore mieux. Sur le toit de ma cuisine, je suis mon voisin, l'herbe est verte, paraît que sur une autre planète. Tandis que vivre simplement, c'est compliqué. Peu de peur, et ici, je marchais comme Philippe Petit. L'argent parle, mais le mien, il chante aussi. Regarde dans le reflet dans le miroir, le voici. Vous avez quand même un tout petit air de famille. Amis, on a tous beaucoup à apprendre avant escalader l'Everest. Même avec les yeux fermés, on peut voir la lueur du soleil. Don't waste your time on me, you're already the voice inside. friend. Well, they said she died easy of a broken heart disease. So I listened through the cemetery trees. Yeah.

where do we go now? Where do we go? Where do we go? Where do we go? Oh, where do we go now? Where do we go? Son nid, je me suis perdu dans le ciel, je me suis perdu dans le ciel. c'est pour ne plus jamais redescendre. Je sais que la vie est belle, je sais que la vie est belle. On me cherche dans le S, on me cherche dans le wesh. Sorry si j'étais pas rejoignable, j'étais parti dans le ciel. Mon gars, tu peux me reach là où les trois jeunes. Trouve la mélancolie dans le 3 jeunes. Kamehameha sur tous mes ennemis. Flow coupé katana, c'est pas des ananas, c'est une tranche de vie. J'te garantis, rien n'est garanti. C'est pour ça que j'vis ma vie au ralenti. You can roll but I fly. She get low when I'm high. I'ma do what I want. Big till I die. Nobody can stop me, no. On the road, comme un trottin. Pensez pas que c'est easy. Fallait work, man. Yeah, where is he? On est cherché partout dans la ville pour les arrêts d'un travaux. Where is he? Tu peux pas laisser l'oiseau dans son nid. Je suis perdu dans le ciel. Je suis perdu dans le ciel. Je suis perdu pendant plus d'un an et descendre. Je sais que la vie est belle. Je sais que la vie est belle. Goodbye. I know what they say, baby, I know how it is. Now I'm doing my thing, it feels right. It seems unreal. Used to look for something, was scared of what was coming. Nothing to fear. Mais non, le ciel, c'est clair, on va se perdre. Je suis perdu dans le ciel. Je suis perdu dans le ciel. Je suis perdu dans le ciel. Je suis perdu dans le ciel. Je suis perdu dans le ciel. Je suis perdu dans le ciel. Je suis perdu dans le ciel. Boulevard te tient informé toute la semaine. Oh oui. Le matin, 6h. Le pit stop avec Gravel, 7h45. Ah, le point de max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h. C'est juste Gravel dans le retour qui peut faire ça. Marceau le soir, 8h. Boulevard 102.1. Maintenant, 100% parler en semaine. 100% talk. Boulevard 102.1. Thank you. Boring. Mets-moi du rock. Joyeuse fête à Boulevard 102.1. Don't you miss the breathlessness, the wildness in the eye. Come home late in the morning light. Bloodshot dreams under streetlight spells, a truth no one can tell. And I was still a secret to myself. Light me up, I'm wasted in the dark. Rush me a restless heart. In the end, get my head out of the ground. To empty lawns and nowhere else to go. You say come get lost in a fairground crowd when no one knows your name. There's only honest mistakes. There's no price to waste it out. Gone and buried deep. Take heart and let it be. Don't lie to yourself. There's madness and magic in the rain. There's beauty in the pain. Don't lie to yourself. Light me up, I'm wasted in the dark. This heart, there's something we might miss. A whole life in a glimpse. Well, I'm still working it out. Time don't let us down again. 'Cause I won't wait. Get my head out of the ground. Time don't let us down. Yeah. j'entends pas.